Radiomatic. Le ton de cette transmission 056 d'Audiomatique a été donné par la formation britannique Radiohead et la chanson Good Evening, Mrs. Magpie, remixée par le duo allemand Mode Selector. La version originale de la chanson Good Evening, Mrs. Magpie se retrouve sur l'album The King of Limbs, paru en 2011. D'ailleurs, au cours de l'année 2011, Radiohead a fait paraître une série de 7 vinyles 12 pouces qui comprenaient chacun différentes versions remixées de pièces tirées de l'album The King of Limbs. Un album compilation regroupant toutes ces versions remixées a été lancé à l'automne 2011 et s'intitule TKOLRMX1234567, qui veut dire bien sûr The King of Limbs Remix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si les électronistes apprécient les noms connus comme Radiohead, ils aiment aussi faire sortir de l'ombre des projets et des groupes obscurs ayant participé à cette grande œuvre collective qu'est la musique électronique. Son histoire est faite d'innovations, de tendances, de courants et de croisements, ce qui donne une trame riche en sonorités qui s'est construite depuis plusieurs décennies. Chaque semaine, les électronistes présentent une nanoséquence de cette trame à travers des artistes de toutes les époques et de tous les styles reliés à la musique électronique. Et dès maintenant, c'est le projet Funky Wolf 190 qui nous imprègne de la nostalgie des années 80 avec sa pièce We Are Colder, mélangeant la New Wave à un son électro typique de l'époque. Mm-hmm.

Le projet Body 11 concluait la séquence musicale avec la pièce Hearts, une pièce que nous avons extraite de l'album Youth pour vous la présenter ce soir. Cet album, publié en 2013 en format vinyle, rassemble les compositions créées par Body 11 à la fin des années 80. À l'origine, la pièce Hearts se trouvait sur le 7 pouces intitulé Mind, 7 pouces qui est paru en 1988. Auparavant, nous écoutions Attrition, groupe britannique fondé par Martin Bowes en 1980. La pièce que nous avons entendue, The Mercy Machine, paraît sur l'album The Hidden Agenda, sorti en 1993. Et c'est le duo italien Focke Wulf 190 qui amorçait le bloc avec We Are Colder, une pièce qui se retrouve notamment sur la compilation Italia New Wave. À Audiomatic, faisons place maintenant à la musique du duo new-yorkais Zaza. Still here, I know I could be a better man. êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Tout juste avant la pause publicitaire à Audiomatic, il s'agissait du groupe danois Efterklang et la chanson Raincoats, ici remixée par leur compatriote Trent Müller. On peut retrouver cette version remixée sur l'album Reworked Remixed de Trent Müller. La version originale de la chanson Raincoats est parue sur l'album An Island de Efterklang. Et pour débuter ce court segment musical, nous entendions le duo new-yorkais Zaza, composé de Danny Taylor et Jennifer Patricia Fraser, qui est aussi membre de la formation The Warlocks. Ils nous présentaient la pièce Who's There, River, tirée de leur seul album connu, soit l'album intitulé Sacred Geometry. Nous poursuivons avec une version que nous offre le duo Disharmony de la pièce Twistos Hertz, originalement composée par le projet de black metal norvégien Burzum. Here we go. On concluait cette séquence de deux pièces à Audiomatique avec le projet français Brain Leisure, duquel nous entendions Atmosphere en version remixée par le projet Dismantled. Cette version se trouve sur le CD bonus de l'édition limitée de l'album de Brain Leisure intitulé Methods to Madness, un album qui est sorti en 2007. Il s'agit du second album de Brain Leisure, le premier intitulé Mindfire, ayant été endisqué en 1994. Avant, c'était la pièce Twister's Earth du projet Burzum. La version que nous entendions était recréée par le groupe Disharmony et elle paraît sur un album de ce dernier, soit Clone, The Other Side of Evolution. Cet album regroupe une série de remixes que Disharmony a effectués de différentes formations. Quant à la version originale de la pièce que nous avons entendue, celle-ci se trouve sur l'album Kluskulf, qui soit dit en passant, dont la phonétique ne représente pas la graphie, donc l'album Kluskulf en norvégien de Burzum. Nous devons maintenant clore cette transmission 056 d'Audiomatique. C'est à l'artiste allemand Daniel Mayer que revient l'honneur de laisser une dernière impression sonore à vos oreilles. Daniel Mayer a créé au cours de sa carrière sous plusieurs pseudonymes, mais principalement au sein de la formation Hojob. Ici, c'est sous son pseudonyme Architect qu'il nous interprétera la pièce Vaxmut, qui a été remixée par Coma Duster, projet du Canadien Réal Cardinal. La version originale de Vaxmut est parue sur l'album Consume, Adapt, Create et la version remixée par Coma Duster, elle, peut être entendue sur l'album Upload, Select, Remix. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 057 d'Audiomatique. D'ici là, il vous est toujours possible de réécouter notre émission en rediffusion le samedi à 20h ou encore de vous rendre sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou afin d'avoir accès à près de 55 heures de musique électronique grâce à l'archivage de toutes nos anciennes transmissions. Voici donc Architect avec sa composition Vaxmut remixée par Coma Duster. Bonne semaine. We'll be right back. We'll be right back.